Samuel Lauzon au microphone et vous écoutez votre magazine de culture scientifique Futur Simple au CKRL 89.1. Vous êtes tranquillement étendu dans votre lit et vous apprêtez à fermer la lumière quand, tout à coup, un bruit. Le chien du voisin se met à aboyer. C'est alors que vous commencez à jeter des regards nerveux un peu autour de vous. Quel était ce son? Y a-t-il quelqu'un à l'étage? Est-ce un animal? Un humain? Une bête féroce? Tapis dans l'ombre? Prête à surgir sur vous? Le monde qui vous entoure devient menaçant et effrayant. Vous hésitez entre aller voir ou rester immobile, sans bruit, dans votre lit. Votre pouls s'accélère. Vos paumes deviennent moites. Vos cheveux se dressent sur votre tête. La peur a pris racine en vous. Nous avons tous déjà vécu une situation similaire, ou du moins, nous avons tous déjà éprouvé, un jour ou l'autre, cette sensation de peur. La peur, cette émotion primaire, primitive, qui nous met en alerte, une émotion qui n'a rien d'agréable, une émotion que nous voudrions éviter à tout prix. Ah oui? Dans ce cas, n'est-il pas étrange de payer pour aller voir des films d'horreur, des maisons hantées, et que dire de l'Halloween? N'est-ce pas contre-intuitif d'associer une soirée pour les enfants à une émotion désagréable comme la peur? Est-ce que tous les parents qui serpentent les rues ce soir pour Halloween seraient en fait des sadiques voulant faire souffrir leur propre progéniture? Bien sûr que non. Mais sérieusement, pourquoi le faisons-nous? Pourquoi regardons-nous des films? Lisons-nous des romans? Jouons-nous à des jeux vidéo terrifiants, remplis d'horreur? Pourquoi y a-t-il autant de créatures effrayantes dans nos mondes imaginaires, dans nos légendes, dans notre imaginaire collectif? L'horreur est conçue pour effrayer les gens, pour qu'elles aient des sueurs froides, pour qu'elles frissonnent de peur et même qu'elles crient. C'est un genre littéraire qui est toujours aussi populaire et rentable. Stephen King, par exemple, a vendu plus de 350 livres dans le monde. Au cours des 20 dernières années, aux États-Unis, les films d'horreur ont rapporté près de 8 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. C'est étrange. C'est vraiment bizarre. Parce que quand on prend un peu de recul, on se rend compte que l'horreur est par définition conçue pour que son public se sente mal. Un bon film d'horreur, une bonne maison hantée, doit inspirer une émotion négative. Nous faire ressentir du dégoût, de la terreur, de l'anxiété et de la peur. Ils seront même jugés par les critiques sur leur efficacité à prodiguer ces émotions négatives. Dans ses recherches, Mathias Klassen de la Recreational Fear Lab de l'Université d'Aarhus au Danemark démontre qu'environ 54% de la population répondent oui à l'affirmation « J'apprécie les médias d'horreur », quel que soit son support, film, littérature, jeux vidéo, réalité virtuelle. Mais pourquoi une si grande proportion de la population est friande d'horreur? Comment l'horreur fonctionne-t-elle? Comment une émotion négative peut-elle être recherchée? L'horreur fonctionne en exploitant un ensemble de mécanismes de défense biologique. Dr. Klassen nous rappelle que si nous voulons comprendre comment le système fonctionne et pourquoi il est devenu une partie intégrante de la nature humaine, nous devons examiner l'histoire évolutive de notre espèce. En fait, cette histoire remonte littéralement à l'aube de l'humanité. Nos ancêtres se retrouvaient dans un monde plein de dangers. Il y avait des menaces, des prédateurs et des bestioles effrayantes, des micro-organismes invisibles, des maladies, sans oublier la menace évidemment des autres humains. En réponse à ces dangers, nos ancêtres ont progressivement développé des mécanismes de défense biologique qui les gardaient alertes, la peur. En d'autres termes, notre espèce a évolué pour être hyper-vigilante et très craintive. Car être hyper-vigilant et très craintif a maintenu nos ancêtres en vie. Dans un monde très dangereux, ces comportements donnaient un avantage évolutif. Le monde est peut-être un peu moins dangereux de nos jours qu'à l'époque de nos ancêtres. Du moins, en termes de prédation. il y a beaucoup moins de dangers immédiats. Par exemple, il y a peu de chances d'être piétiné par un mammouth en allant faire l'épicerie, comme le risquaient nos ancêtres en tentant de s'alimenter, par exemple. Mais nous ne sommes pas moins vigilants et pas moins craintifs que nos ancêtres. C'est littéralement inscrit dans nos gènes. Le divertissement d'horreur profite de cet aspect de la nature humaine. Il fonctionne en nous transportant de manière imaginative, de manière virtuelle, dans un monde rempli de dangers potentiels. Dans les films d'épouvante et dans la littérature, nous suivons les protagonistes alors qu'ils affrontent des menaces terrifiantes. Nos divertissements d'horreur fonctionnent parce qu'ils sont structurés pour cibler le système de peur. Considérez simplement les monstres qui peuplent nos divertissements d'horreur, nos contes folkloriques, effrayants, ou encore nos attractions hantées. De tels monstres sont universels dans l'imagination humaine, et les plus horribles reflètent des menaces ancestrales. Pensez à l'énorme requin blanc dans Jaws. Les Dents de la Mer, un film culte américain réalisé par Steven Spielberg, est sorti en 1975. Un succès critique et un succès commercial. 470 millions de dollars, faisant de lui le plus grand film à succès cinématographique de tous les temps, à l'époque bien sûr. L'impact est si fort dans l'inconscient de ce film qu'on accuse Jaws d'avoir causé une baisse de fréquentation des plages en 1975, car les gens avaient peur d'aller dans l'eau après avoir vu le film. Les psychologues des médias ont documenté comment des milliers de personnes ont été traumatisées par Jaws. De nombreux téléspectateurs ont même eu peur de nager dans des piscines et dans des lacs d'eau douce après avoir regardé le film. Pourquoi autant de panique? La menace représentée ici est la menace d'un énorme prédateur mangeur d'hommes. Ce genre de menace capte vraiment notre attention et stimule notre imagination en engageant nos systèmes de peur, nos réponses biologiques. Et là, attention, là, j'entends déjà mes amis biologistes, surtout mes amis biologistes marins, crier, et je dois préciser, les requins, hein, le Jaws, les requins, attaquent très rarement les humains. D'ailleurs, le film lui-même est assez irréaliste, mais cela n'a pas d'importance. Les monstres d'horreur n'ont pas besoin d'être réalistes pour nous effrayer. Ils doivent engager le système de la peur. Ils doivent avoir des qualités qui égalent ou surpassent celles des dangers ancestraux. Et le requin blanc de Jaws, ben, en a à revendre. C'est comme un prédateur ancestral boosté aux stéroïdes. Plus rapide, plus gros, plus fort et beaucoup plus dangereux. Considérez un autre monstre, par exemple, connu et très irréaliste, les zombies. Les zombies n'existent pas dans le monde réel, tout le monde en convient, et nous n'avons aucune preuve archéologique suggérant qu'ils aient jamais existé. Alors, pourquoi aurions-nous peur si nos ancêtres n'ont jamais vu de zombies? Mais chaque enfant est capable d'imiter le comportement d'un zombie. Vous savez, leur gémissement, les bras tendus mais mous, la marche classique en trébuchant. Ce monstre a vraiment infecté notre culture populaire de manière considérable. Un zombie est un concept terrifiant car il cible efficacement le système de peur. En fait, le zombie cible le système de peur sous deux angles car il combine la menace de la prédation avec la menace de la contagion. Un zombie est un prédateur, il veut nous manger, mais il est également contagieux. Il vous infectera de sa maladie. Il se décompose visiblement, rampant avec tous ses agents pathogènes. Il y a une autre raison pourquoi l'horreur nous terrorise. Ça réside dans l'empathie. Car pour avoir peur, nous avons besoin d'éprouver de l'empathie pour les protagonistes. Cette émotion de peur que nous vivons de manière indirecte est encore plus évidente dans les jeux vidéo. Ces jeux donnent l'impression d'être nous-mêmes les protagonistes du monde numérique peuplé de monstres. Notre appétit pour ce genre de scénario effrayant fait écho à l'évolution de nos capacités empathiques. Nul besoin de rappeler que l'humain est un animal social où les capacités de s'identifier à autrui et à ce qu'il ressent lui donnent un avantage évolutif considérable. On a juste à penser à la coopération. On a définitivement besoin d'avoir une empathie, de comprendre ce que l'autre ressent pour bien communiquer, pour coopérer. Vous vous rappelez au tout début de la chronique, le cœur qui palpite, la chair de poule, les cheveux qui se dressent sur la tête? Eh bien, c'est votre amygdale qui parle. L'oreille a transmis un signal, le son, le bruit qu'on a entendu, vers la partie du cerveau appelée le thalamus. Ceci a joué un peu le rôle d'un centre de distribution, de relais d'informations, envoyé par tous les sens aux autres zones du cerveau. Si l'information transmise semble menaçante, le thalamus envoie sans plus tarder à l'amygdale, centre de contrôle des émotions fortes et surtout de la peur. C'est cette partie du cerveau, une fois activée, qui produit une cascade de signaux destinés à stimuler le système nerveux sympathique. Ce dernier prépare le corps à l'action en libérant deux hormones dans son sang, dans notre sang, l'adrénaline et le cortisol. Prenons par exemple la chair de poule, qui est une relique d'un passé lointain, lorsque nous étions couverts de fourrure. La chair de poule, ou la piloérection, rendait notre fourrure dressée et nous faisait donc paraître plus gros, plus effrayant face à un agresseur. Un peu comme les chats, vous avez sûrement déjà vu les chats. D'ailleurs, l'Halloween, les chats noirs, c'est un classique. Notre cœur qui bat plus vite pour pomper le sang vers nos groupes musculaires afin que nous soyons prêts à combattre ou à fuir. Et les cris envoient un signal aux autres. Venez m'aider ou il est trop tard, foutez le camp, allez-vous-en. Avec toutes ces réponses physiologiques, l'horreur nous permet d'une certaine manière nous aide à calibrer notre système de peur, nos systèmes de réponse combat-fuite, le fameux fight or fly. Dr. Klassen compare ce calibrage à quand vous amenez votre voiture chez le mécanicien pour l'inspection annuelle. Le mécanicien passe soigneusement en revue toutes les parties vitales de la voiture et s'assure que les airbags et le système de freinage anti-blocage fonctionne. On espère que vous n'en aurez jamais besoin, évidemment. Le garagiste fait pas ça parce qu'il pense que vous allez en avoir tout de suite un en sortant, car vous voudriez pas vous retrouver dans une situation qui nécessite le déploiement des airbags. Mais si cette situation se présente, vous voulez être certain que ça fonctionne. C'est un peu la même chose avec nos systèmes de peur. En vous exposant, vous ou vos enfants, à une peur contrôlée, comme celle de l'Halloween ou d'un film d'horreur, vous exercez votre système de réponse à la peur. Vous vous assurez qu'il fonctionne correctement et vous le maintenez bien réglé. L'horreur nous permet d'apprendre ce que c'est que d'avoir vraiment peur et elle nous permet d'apprendre à gérer nos émotions négatives. Ainsi, l'horreur peut nous aider à calibrer notre système de peur et l'épouvante peut nous aider à affiner nos capacités d'adaptation. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à être attirés par les choses qui font peur. Alors, si ce soir un voisin réussit à vraiment vous foutre la trouille avec cette décoration, ou si vous voyez votre enfant qui réagit fort là, face à un squelette, par exemple, qui bouge tout seul, là, genre de squelette mécanisé, rappelez-vous simplement que vous exploitez et que vous calibrez en fait un ancien système de défense biologique. C'est déjà la fin de Futur Simple, mais nous serons de retour la semaine prochaine sans faute. Pour le moment, je vous invite à rester à l'écoute de CKRL 89.1. C'est l'heure de En aparté avec Calypso Lemoine.